Ce fut devant une masure du quartier de la Salpêtrière que Jean Valjean s'arrêta. Comme les oiseaux fauves, il avait choisi le lieu le plus désert pour y faire son nid. C'était un affreux taudis appelé Maison Gorbeau. Mais Cosette s'y sentait libre. « Faut-il pas que je balaye ? » dit-elle. « Joue !» dit Jean Valjean. Le lendemain, au point du jour, Jean Valjean était près du lit de Cosette. Quelque chose de nouveau lui entrait dans l'âme. C'était la deuxième apparition blanche qu'il rencontrait. L'évêque de Digne avait fait lever à son horizon l'aube de la vertu. Cosette y faisait lever l'aube de l'amour. Les premiers jours s'écoulèrent dans cet éblouissement. De son côté, Cosette, elle aussi, devenait autre à son insu. Elle avait essayé d'aimer, elle n'y avait pu réussir. Tous l'avaient repoussée, les Thénardier, leurs enfants, d'autres enfants. Aussi, dès le premier jour, elle se mit à aimer ce bonhomme. La destinée unit brusquement et fiança, avec son irrésistible puissance, ces deux existences déracinées, différentes par l'âge, semblables par le deuil. Les semaines se succédèrent. Ces deux aides menaient dans ce taudis misérable une existence heureuse. Apprendre à lire à Cosette et la laisser jouer, c'était à peu près là toute la vie de Jean Valjean. Et puis, il lui parlait de sa mère et il la faisait prier. Elle l'appelait père et ne lui savait pas d'autre nom. Il passait des heures à la contempler, habillant et déshabillant sa poupée et à l'écouter gazouiller. Les meilleurs ne sont pas exempts d'une pensée égoïste. Par moments, il songeait, avec une sorte de joie, qu'elle serait laide. Jean Valjean aima et il redevint fort. Grâce à lui, elle put marcher dans la vie. Grâce à elle, il put continuer dans la vertu. Jean Valjean avait la prudence de ne jamais sortir le jour. La vieille, qui lui avait loué cette masure, faisait le ménage et la cuisine et allait aux provisions. Mais, épiant Jean Valjean, connu dans le quartier sous le nom de mendiant qui fait l'aumône, elle découvre, dans la doublure de sa redingote, des liasses de billets de 1 000 francs, comme celui qui lui a demandé le matin même d'aller changer. Et dans ses poches, plusieurs perruques de couleurs variées. Mais un jour, Jean Valjean croit reconnaître le policier Javert dans un des mendiants à qui il fait régulièrement l'aumône. Quelques jours après, Jean Valjean reconnaît Javert dans le nouveau locataire installé dans la masure Gorbeau. Aussitôt, il s'enfuit avec Cosette.